quelques signes de la main pour conjurer l'infime de ton destin. Tu te signes d'une croix, lui s'affirme avec Allah. Tu te sens digne de ce choix, lui imprime les textes de Bouddha. Mais dans tout ça, un seul message, une seule voix. Dans les tourmentes de ce présent, sur l'un ou l'autre continent, prière d'une mère pour son enfant. Tourmente de ce présent, sur l'un ou l'autre continent, elle prie Dieu, Allah, Bouddha, de donner à l'enfant qui naît d'autre choix que le poids de cette croix trop lourde pour son épaule. Et elle supplie de toute leur foi pour qu'enfin l'enfant dans la paix de soi ne soit bercé que par la soie de sa caresse fragile d'amour qui le frôle. Elle prie et elle supplie. Elle prie, elle supplie. Un seul message avant de les déchirer. Une seule voix. Je devine. Elle prie, elle supplie. Elle s'étoffe et elle s'effleurait l'intime. Prière d'une mère pour son enfant, alimenter le feu sous sa peau sensible en cet instant fragile, équilibre. Qu'un seul regard de l'amant. Tu combats avec entrain, suffit sur les routines, faire chaque la virée d'un soutien, mis au pas par les besoins d'indignes frères humains. Des sens de l'inattendu ou ses sens en tous. Tu combats pour un choix, lui meurt du Allah. Tu te courbes bas pour être en croix. Lui parle des heures avec ses cuisses de l'inattendu. Tous ses temps. Mais dans ton boussin, un seul message tendu, une seule voix. Dans les tourmentes de ce présent, sur l'un ou l'autre tendu continent, tous ces sens, prière d'une mère pour son enfant. Tourmente de ce présent, sur l'un ou l'autre je m'imaginant dans leur mur, j'inaugure l'objet de son désir. Mère, nef d'un futur, d'une terre. Sachant la mère ou que de son chirure, de la guerre et la folie de leur père, son plaisir. Parfois sans fin, se joue des murs, des cris, des chants de torture. Et je coupe la terre, des jeux tel l'air le plus pur d'avenir. Prière d'une mère, j'en perds pour dire la bonne nuit. Son enfant. Trans, l'essence de l'ina. Un seul message. Seule voix, prière pour Dieu sous-entendu, mère pour son enfant. Tu te signes de la main pour conjurer l'infime de ton destin.